Je sais que tu privilégies surtout reggae music de Jamaïque, mais nous ce soir on est ici et on représente la famille qui est là et qui vient de Toulon avec l'original Jama Obi qui est pas là ce soir et on lui dédique à celle-ci. Big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe. Aïe aïe aïe aïe, big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe. Avec ton son à deux balles, avec tes mix à deux balles, avec tes sélections à deux balles, même pas de quoi payer un casse d'âme. Écoute le son de ces balles, big fire te mitraille. Une invitation à une table et royale. N'insiste pas, tu mal, pour toi moi j'ai mal. Ton son ne va finir au final à l'hôpital. Tu pèses pas assez, t'as pas assez la dalle. C'est chaud pour ton trou de balle. Aïe aïe aïe aïe aïe, big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe. Aïe aïe aïe aïe aïe, big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe. Regarde bien comment une nouvelle fois tu vas te faire humilier. Il est trop tard pour reculer. Lève le bras et arrête de trembler. Tu peux, si tu le veux, commencer à crier. Car on le sait, et toi-même tu sais que tu vas te faire défoncer. J'espère pour toi que t'aimes toutes les positions. Ce soir tu es en sa possession. Le big fire sonne la pire de tes visions. Interdit même à la télévision. T'es un tout petit chat et tu veux faire le lion. T'es pas vraiment méchant mais t'es vraiment trop con. Ne viens pas dans les centres jouer les champignons. Big fire est un montoir, un champignon. Aïe aïe aïe aïe aïe, big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe. Aïe aïe aïe aïe aïe, big fire s'installe, fou ça pagaille dans toutes les salles. Soundboy t'es mad, si tu veux le mettre mal, tu vas te faire mettre, vas-y remballe.